بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، سندخل مباشرة في حديثين جديدين، وهو الثاني والعشرون، وإن شاء الله كذلك الثالث والعشرون. يقول في الثاني والعشرين حديث عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. Donc selon Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma, un homme se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger en lui disant: ô messager d'Allah, informe-moi si je devais accomplir les salawat qui sont obligatoires, de jeûner au mois de Ramadan, de rendre halal le halal, c'est-à-dire le licite, de rendre haram le haram, c'est-à-dire l'illicite, et de ne me contenter je ne me contente que de cela, je ne rajoute rien à cela. Est-ce que j'entrerai au paradis? Il lui a dit oui. Après, il a dit: je jure par Allah que je ne rajoute rien de cela. C'est-à-dire ces choses qu'il a citées. Il se contentera de cela. Portez pas musulman. Et قال ومعنى حرمت الحرام, le fait de rendre haram l'illicite, ishtanabtuhu, ça veut dire je m'en éloigne en fait. Et non pas le fait de dire c'est haram, c'est s'en éloigne. Wa ahlaltu al-halal, fa'altuhu, mu'taqidan hilla. Et le fait de rendre halal ce qui est licite, c'est le fait de l'accomplir, tout en ayant pour croyance que cela est licite. Donc cet homme qui a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an hadi al-umur. Awalan, lisa ma'ana an hadi al-umur. هي أركان الإسلام. On a dit que par avant, c'est quoi les arkan de l'islam, qui sont cinq. وقد ذكرنا أن الإسلام ما هو محصور على هذه الأركان الخمسة. هناك أشياء أخرى واجبة ومحرمة وذلك. Donc cet homme informe qu'il souhaiterait ne faire que les salawat qui sont maktoubat, obligatoires. بعد ذلك بعض العلماء يعني اختلفوا في الصلوات المكتوبات. C'est-à-dire qu'ils font juste les cinq quotidienne. D'autres ont dit non, d'autres salats ont été rendus obligatoires par la suite également. La salat, salat al-janaza, c'est un fard yani kifai, qui est commun, une obligation commune, mais l'obligatoire. On peut laisser un mort sans qu'il ait une salat sur lui. Donc ça prouve que les salats ne sont pas que cinq à faire. Mais les cinq à faire sont les cinq qui sont à faire quotidiennement à des heures précises, en fait. Hada wal ma'ana. Et le jeûne de Ramadan. Il ne cite pas le Hajj. On a d'abord parce que le Hajj, il se peut que tu ne le fasses pas. Il y a une yajib à l'insan le Hajj. Il dit, tu vas sortir tes shurut. C'est tout. En plus, tu dois le faire une seule fois dans sa vie. C'est pour cela que tu n'as pas été cité probablement ici dans ce hadith-là. Il parle des choses qui sont l'azim obligatoire auxquelles tu ne peux échapper. Kazalik, il a passé la zakat. Est-ce que tu seras un pauvre? Il a fait la zakat à payer. Voilà. Mais les autres, le salawat, ça c'est à la kulli hal, tu l'as fait. Et Ramadan, pour celui qui est en bonne santé, qui n'est pas voyageur, il l'a fait. Thumma qal, ou ahlaltu al-halal. Donc, comme on expliquait dans le ta'liq, que ce qui est licite, je le rends licite. J'ai pour prononce qu'il est licite, et je l'accomplis en étant licite. Wa al-haram, ou harrimu al-haram, yani haram tu al-haram. Que ce qui est licite, je le délaisse. Ce n'est pas seulement le harimu ma'ana akul ala haram, après je le fais. Ça veut dire dans le hadith, il veut dire par là qu'il délaisse le haram. Sans rien ajouter à cela. Yani, yaktafi bil wajibat, ou yashtani bil muharramat. Il a compris ce qu'obligatoire sur lui, il a prudence de ce qui est licite, et il s'éloigne de ce qui est interdit. Est-ce que cela suffit pour entrer au Jannah? Nabi Sallam lui dit non. Sans compter bien évidemment que dans ce qui est licite, obligatoire, il y a le tawhid, bien évidemment. D'ailleurs, quand il dit Ahaltu al-Halal, ça rend tout ce qui est obligatoire qui est licite dedans. C'est un lobs qui est jamais. Tout cela s'englobe, toutes ces choses-là. Même l'Iman, ou Arkad al-Iman, ou Kazalik, Assalawat ma Arkaniha, ou Shurutiha, ou Wajibatiha, Kulu Zalika. C'est englobé là-dedans. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a cité qui entrera au Jannah. Et dans d'autres hadiths, dans le même sens qu'ils sont venus, comme dans le hadith, par exemple, Anas bin Malik, ou Kazalik, dans le hadith, Ubaydullah ibn Tulha, qu'un homme s'est rendu près du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est pas Anas, c'est confondu avec le hadith. C'est Abu Huraira. Un arabe, قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام وقال دلني على عمل إذا فعلته مثلا أدخل الجنة قال له تعبد الله تدعو الله ولا تشرك به شيئا ولا تصوم تصلي الصلوات المكتوبة شو الصلوات كسم بيجاتوا وتؤدي زكاة المكتوبة تدون زكاة تمام غير ذلك. Après, le Rajoul s'en est retourné, il a dit « Wallahi, la azid al-ahaza, voilà de quoi. Je ne rajouterai rien à cela, ni ne réduirai. » Quand il est parti, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, dans un hadith, il a dit « Aflah in sadaq. » S'il a dit vrai, s'il est véridique, il va réussir. C'est-à-dire, il est sincère dans ce qu'il dit. Dans un autre hadith qui ressemble à cela, il dit « Man sarrahu an yanzura ila rajulin al-jannah, falinzun ila hala. » Celui à qui il plairait de voir l'homme du paradis, qui regarde cette table, qui vient l'interroger. Qui a dit qu'il ne se contentait que de ces choses-là, obligatoires. Maintenant, le fait qu'ils aient dit cela ne veut pas dire qu'il n'est pas rajouté par la suite. Car l'imen, yazid bita'a. Donc, il a dit que même s'il est géré par Allah, dans un des hadiths qu'on a cité, il a dit, wallah, même ici, il a dit, wallah, il est yazid al-ahada, ala zalikan, hein, il est géré par Allah. Là, qu'il n'est géré par Allah pour une chose. On dirait que le hadith, man halafa lillahi ala shay thumara mawat kaminhu, fallait le kafir ou yatibit taqwa. C'est celui qui jure par Allah qui, pour une chose, soit qu'il compte la faire, soit qu'il ne compte pas la faire, et par là, c'est une chose qui est encore meilleure, qui est plus pieuse et qui contredit son serment, alors qu'il l'annule son serment, qu'il expie et qu'il fasse la chose qui est meilleure. Tout simplement. Donc il n'y a pas de traduction. Il se peut que cet homme-là, par la suite, ait appris des choses surrogatoires, afdal lahu. Tarfam darajatih, et kafara bi an yamini, et il les a faites. Non seulement il a le âge d'avoir fait ses obligations, et après il a le âge d'avoir annulé un serment pour quelque chose qui est meilleur. C'est pas il a regretté, c'est il a quelque chose de meilleur encore, il a dit son serment, c'est ce qui est meilleur. Et en plus il a le âge de la kafara qu'il a faite. Et ça aussi ça rentre dans le tahlil al-halal. Ce qui est halal, ce qui est obligatoire, il l'a fait. Donc il n'y a pas de tanakud bin al بين النصوص في هذا الباب. والشيخ فوزان تعليقا على هذا الحديث يذكر أن المؤمن على ثلاث أقسام. Le croyant, les trois catégories. يقول أولا ظالم نفسه. Celui qui est injuste envers lui-même. من هو هو الذي يرتكب بعض المعاصي. Mais il a la base de la foi. Et c'est un mouahid. Mais il fait des معاصي. Quand il fait des معاصي. Donc lui, il y a quoi ? Des ma'asi tous autres que le shirk. فَعَذَا تَعْتَ مَشِيَتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ غَذَّبَ وَلَكِنُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَوْ عُذِّبَ فَإِنَّمَا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Donc il a dit, celui-là qui fait des péchés, il est تَعْتَ الْمَشِيَةِ sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il lui pardonne. Et s'il veut, il le châtie. Quand il dit châtie, c'est-à-dire il le châtie temporairement. تَمْحِيسًا pour expliquer ses fautes, temporairement au feu, pour qu'il en sorte par la suite. Et, Masiruhu al-Jannah, c'est un croyant, il ira au Jannah. Ce qui revient au dernier précédent auquel on n'est pas participé, où on disait que même le salafi qui n'est pas, une salafi qui est l'aqida, la salafi al-sahiha, kada kada, mais qui fait des kabaïr, qui fait des dhunub, qui fait du fourche, pour les Aleka, il n'est pas à l'abri. Il rentre dans Adalqism al-Zalim Nefsi. Donc ne pas s'imaginer, on le répète, que tu veux dire Salafi, ça a été immunisé du feu. Ça, c'est le calame des Yahoud et des Nansara. Ou plutôt, ils disaient, on va être touché par le feu, mais ça, tu vois, quelques jours. Après, on ira au Jannah. Il ne faut pas que Salafi ait cette, ce fikr de se dire, je souhaite aussi les gens, quoi qu'il arrive, j'irai au Jannah. On dit le Sadaf Inav, mais toi, est-ce que tu es celui-ci? Là, on ne sait pas. Donc, nous, on est toujours entre Al-Khouf et Al-Raja, Tama wa Ma'al. Deuxième catégorie de Mu'min, Yaqul, Wawal Maqsoud Biyad al-Hadith, c'est la catégorie qui est visée par ce hadith. Al-Muqtasid, Al-Azi Iqtasara al-Al-Fara'id, Walam Yati bin Nawafil, Watarak al-Muharramat, Waqtafa bin Mubahat. C'est celui qui s'est contenté seulement des obligations. Il a rajouté à cela, pas de surrogatoire. Et qu'il a délaissé les choses interdites. C'est-à-dire ce qui est haram, il ne le fait pas. Et il s'est contenté des choses qui sont mubahat, qui sont permises. Ou al-Thalith, la troisième catégorie, al-Sabiq bil-Khayrat, celui qui se devance vers le bien, qui s'accourt, qui accourt vers le bien. Ou al-Lazi adda al-Wajibat, ou al-Fara'id, ou al-Nawafil. Ou al-Tajannaba al-Muharramat, ou al-Makruhat. Ou al-Bad al-Mubahat, ihtiyatan. Fa'adha wa a'la darajat al-Mu'minin. Donc lui, c'est celui qui a accompli les obligations, qui a fait également des surrogatoires, des nawafil, qui a évité les muharramat, les interdits, et il chose également les makruhat, ce qui est détestable. Peut-être même qui est venu avec les mustahabat, il ne le cite pas le shir, mais il veut dire ça aussi. Et qui a même délaissé bard al-mubahat, certaines choses permises par prudence, qui rentrent dans le wara, on en a parlé auparavant. Chose qui est permise, mais elle a une limite, une chose qui est interdite. Il a laissé. Pour laisser entre lui et le haram, quand même une frontière, une barrière. On va dire un périmètre de sécurité. Donc lui, il est au plus haut degré des croyants. C'est le plus haut degré des croyants. قال تعالى فمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات. Il a dit parmi eux, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Parmi eux, ceux qui sont, on va dire, مقتصد, qui se contentent dans ce sens-là. Et سابقون بالخيرات, ceux qui vont de l'avant, qui en font plus. Donc il dit les mu'mines ne sont pas de ces trois catégories. Soit injuste envers lui-même, avec la foi, par les péchés. Soit il se contente, celui qui se restreint juste aux obligations, mais il ne fait pas les choses obligatoires, mais il dit ce qui est interdit. Ou soit il est parmi ceux qui devancent, qui vont de l'avant, et eux sont ceux qui font obligatoires, qui font mustahabbat, qui délaissent les makruhat, et bien aoulé qui délaissent les haramat. Wa hada, justement, là où je veux en venir, ce hadith est un rod à ce phénomène qu'on dirait qui est nouveau, qui est cette appellation de musulman modéré, musulman modéré. Moi, je suis modéré. Il veut dire par là qu'il n'en fait pas trop. Et les gens qui emploient cette formule, ils ne visent pas ce hadith-là. Il veut dire par là, je me contente que de faire ce qui est obligatoire et je ne fais pas ce qui est surrogatoire. On lui rentrera dedans. Ah, certains wajib. Mais il veut dire par là quoi? Je ne suis pas un extrémiste, selon leur version. Je ne suis pas un radical, comme ils veulent faire comprendre. C'est-à-dire, il va se raser la barbe. Il va s'habiller normal. Il va être mousbil. D'accord? Il va se mélanger, même au koufar. Il va être plus que courtois avec eux. Il rentre dans la mixité. Il regarde la télé normale. Il regarde des films normales. Il va au cinéma normal, il va à la piscine en maillot de bain peut-être normal, peut-être même qu'il fume, tu vois. Il dit, moi je suis modéré. C'est-à-dire quoi? Je suis pas trop dur comme certains. Et il vise quoi, par là quoi? Le salaf. On dit, toi, tu rentres à ce moment-là, là, tu rentres pas dans le hadith. Parce que t'as pas rendu haram ce qui est haram. À part si tu sais que c'est haram, il le reconnaît. Là, c'est autre chose. Mais t'en as plein, ils disent, non, c'est pas interdit, vous êtes trop dur. On dit, ta barbe que tu rases. Elle est obligatoire ou l'interdit, ou elle est, ou est-ce mustahab? Il va sortir une chouboite, qui va dire qu'il y a des hadiths qui sont venus, que Abu Huraira, il taillait les côtés de sa barbe, que Ibn Omar, il prenait de sa barbe, qu'il dépassait du poignet, qu'à Zakadar, on dit taillait, parmi les sahabas, est-ce que tu connaissais un sahabi qui taillait sa barbe? Même si des ulama ont permis le taillage, certains, ils sont unanimes que la raser, que l'Iya s'interdit. Par exemple. Je prends l'exemple de là-bas, parce que c'est l'un des plus fréquents, tu vois, en France. Car c'est une marque qui est vraiment apparente sur le mousse. Avoir une grosse barbe, c'est une chose qui, souvent, à pas, avec la mode qui est plus longue, même parfois ils ont leur barbe, mais à la base de la barbe, c'est un parfait flagrant sur le mousse. Donc beaucoup, ils vont honte. Je regarde les gens sur eux. Après, ils vont dire, je suis modéré. Non, t'es pas modéré. Tu rentres dans le fisc, comme ça. Et si tu rends permis de tracer cette barbe-là, c'est très grave. C'est très grave. Et là, c'est une chose que tu fais, ton irtilat, ta mixité avec les femmes, c'est permis, il va sûrement te dire oui. Et ce qui est interdit, c'est que, la salaine, j'entretenais avec elle des relations interdites. On dit là. C'est pas seulement ça qu'un truc. Ça, c'est l'aboutissement. Mais la mixité, c'est une porte qui t'amène à cela. Et l'islam t'a fermé la porte. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde de rencher les femmes. Et il a fait combien de paroles, il disait aux femmes de se pousser dans le tariq. Aujourd'hui, deux jours, on est tous mélangés. Ouais. Il s'est mis en colère et il a dit aux femmes de se séparer des hommes. Et que le milieu de la rue est pour les hommes et que les côtés sont pour la femme. Plein d'ahadith par rapport à ça. Donc, le modéré, c'est le salaire. D'accord? Et c'est lui le haoulet dans ce hadith-là. Quand je dis le salafi, attention, je précise bien, je dis pas tout salafi, ou tout ceux qui se disent salafi. Je parle de salafi, le modèle. Quand on dit salafi, celui qu'on s'imagine dans nos têtes. Pas celui qu'on est nous, forcément. Tu vois? Nous, on est des douarafas, on est des faibles. A'dal al-nas, ou aksar, iktisadan fil ibadah, manhu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras pas plus modéré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré sa modération, ses pieds se fondaient. Lorsque Aïcha lui a demandé pourquoi tu fais cela alors que tes péchés passés à venir sont déjà pardonnés, pourquoi tu fais cela? Il a dit, ne voudrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Ce que toi tu appelles ta chaddoud et dureté, Nabi Sam appelle ça shukr, remerciement vers Allah. Et malgré cela, il a dit, Alaykum bima tutikum nil armel. Faites ce que vous pouvez supporter comme armel. Le jeûne de Daoud, qui est le préféré auprès d'Allah Azawajal, Mahou, un jour sur deux. Un jour je jeûne, un jour je jeûne pas. Là, on parle de Nawafi. Tu vas dire que Daoud, c'était un tashaddid. Si tu dis ça, c'est un temps dans l'NBA, tu peux m'écroire en disant cela. Il jeûnait un jour sur deux, et pas l'autre jour. Celui qui fait cela, et qui a la force de le faire, tu veux dire que c'est un extrémiste? Alors qu'en est-il de parler des choses obligatoires? Des choses qu'on a citées tout à l'heure. Ce sont des obligations en elles-mêmes. Ce n'est pas une chose qu'on en fait trop. C'est le même, on va dire, le minimum à faire. Ada wa al-aql, al-azina kumbi. Comme dans le hadith. Ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram. C'est le minimum que tu as à faire. Quand quelqu'un te voit et dit, ouais, vous en faites trop avec vos camises qui sont au-dessus des chevilles, c'est le minimum que j'ai à faire. La limite, c'est ma cheville, là. Pas plus bas. Ma barbe, elle est obligatoire. Ça veut dire, c'est obligatoire. Et en plus, j'aime ma barbe, c'est une sunna. Et même si c'est moustahab, j'aimerais l'avoir pour ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est possible. Mathalem. Donc, ce que tu me dis que j'en fais trop, tu dis que c'est le minimum à faire. Donc, si moi je suis mon tachadid avec ma faiblesse, et mes manquements, et mes écarts, tu vas dire quoi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons? De quoi tu vas les qualifier? Comment tu vas les qualifier? Si nous on est extrémistes, on est des durs, tu sais qui on est à côté d'eux? Nabi Salem, par action obligatoire, c'est le pied se fonder. Comment tu vas le qualifier? Tu vas le qualifier comment de faire cela? Tu dis, moi, parce que je ne suis même pas créé belé. Mais j'ai ma barre. Parce que c'est pas obligatoire à la base. Oui, il dit, moi, je suis juste une rakat. C'est le minimum à faire de créer belé. D'accord? Nabi Salem. Il va dire, moi, je fais que je jeûne jamais, peut-être des fois, trois fois par mois. Et c'est le sunna également. Daoul, c'est un jour sur deux. Par exemple. Donc, c'est qui le modéré. Tu dis, moi, je suis plus bas que, on va dire, le modèle que j'ai en tête, qui sont les Sahaba. Je suis plus bas qu'eux. Et eux, c'était des gens qui étaient auprès du Nabi Sallam, qui prenaient son hadith, alaykoum, matoudikoum, l'armel. Il y a un bab dans Radu Salihin. Elle a fait ça sur l'armel. Tu vois? Wa qala al-Nabi Sallam, alaykoum, tanati'oun, que ceux qui en font trop finissent par périr. Il est rarabah. Aucun d'entre vous n'en a fait trop en religion sans que celle-ci n'ait pris le dessus sur lui. Donc il a mis en garde contre le relou. Comme le hadith Haoula Salafa, celui qui a dit Ana, Asum, Adda, Wala Uftir. L'autre il a dit, moi je jeûne, je ne vais jamais rompre. L'autre il a dit Ana, Akum Leil, Wala Anam. Je fréquente Leil toutes les nuits, je ne dors pas. Et voici Salis Yakoul, Ana, Matazo, j'ai dit ça. Je ne me marie pas avec les femmes. Quand le Nabi s'en fait, il a entendu cela, il les a convoqués, il leur a dit, « Antum, takuna del kalem ?» On dit, « Non, c'est nous. » Il a dit, « Ana, asom ouftir, moi je jeûne et je jeûne. » Il dit Ana kum al-layl wa anam, je me lève et je dors. Wa ana tazawwaj an-nisa. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait 9 femmes. Quand le man gharaba an sunnati fa laysa minni. Celui qui se lève de ma sunna ne fait pas partie de moi. Même ta'ala. Donc ça, c'était en faire trop, c'est-à-dire en voulant en faire plus que se priver de choses qui sont halal. Ou de faire des choses plus que ce qui t'a été demandé. Tu ne pourras pas faire plus que les sahaba. Tu feras plus que tu vas finir par. Tu vas finir par. Par tomber. Les khawarij, Nabi Sallam, il les a qualifiés comme étant qu'il est bennar, et pourtant il a dit aux sahaba, la tahkirunna salawatakum bi salawatihim, wa siyamakum bi siyamihim, wa qiraatikum bi Qur'an bi qiraatihim. Vous allez mépriser, tellement ils vont faire la salat, vous salat ou atahu, vous allez les voir comme étant insignifiantes par rapport à eux. Parce que vous lisez comme Qur'an tous les jours, Othman, le Coran, il le lisait en une nuit. Qaym al-layl, il a fait lire le Coran en une nuit. Une rakat même. Une rakat. Et pourtant, il a dit ça, Nabi Sallam, à qui ? Aux Sahaba par rapport au Khawarij. Je vous dis comme Coran, c'est rien par rapport à eux. Votre jeûne, par rapport à eux, c'est rien. Il y avait Abdullah ibn Amr, qui au début, il jeûnait tout le temps, tous les jours. Nabi Sallam lui a dit Inna li jasadika leka haqqa, wa li ahlika leka haqqa, wa li nafsika leka haqqa. Fa kul kul lazi haqqi haqqa. Il a dit ton corps, il a droit sur toi. Ta famille, elle a droit sur toi. Et ton nefs, il a droit sur toi. Pour dire, fais, mais fais ce qui va, c'est quoi tu pourras perdurer et continuer. Tu ne vas pas tenir par la suite. Et chacun, kul wahid bi qadr imani. Donc, ces gens-là qui disent je suis modéré, regarde bien comment ils sont, tu verras leur chacal. Tu dis non, toi, t'es un rassi, t'es pas modéré. T'es en dessous de la, du seuil. Comme on dit, ton compte, il a découvert. T'es pas au minimum, t'es en dessous du minimum. T'es de Muharramat, des pieds à la tête quand on regarde. Et quand on voit ton mode de vie, on dit pas, tu fais pas de wajibat, tu fais tes salawat, sûrement. On le sait pourquoi. Sinon, t'es même plus musulman, à l'alcool sahir. Tu fais ton jeûne de Ramadan, sûrement. Peut-être même, tu te lèves la nuit, tu fais des nawafil, on dit pas le contraire. Mais t'as des wajibat, tu les fais pas. Les wajibat, c'est sur toi, tu ne les fais pas. Et tu critiques ceux qui les font. Et tu critiques ceux qui y appellent. Ça, c'est pas de la modération. C'est du laxisme. Et ça peut être du fisc, de la perversion, si jamais tu désobéis à Allah Azzawajal ouvertement, et pour toi c'est normal. Il y a même des choses, haram, si tu les rends halal, tu peux mécroire. Allah wa ma'lum bidin bidaroura, tu peux mécroire. Je me rappelle qu'il y avait, au début de l'islam, il y avait un petit jeune, qui était avec moi à mon travail, et il me disait, j'ai un oncle qui dit, parce qu'il voulait parler, ce qui compte dans le cœur, il dit, j'ai un oncle qui dit, qu'il se peut que quelqu'un ne fasse pas la salate, Allah le préfère à quelqu'un qui fait la salate. Je dis là. Je dis là. Ça, c'est pas possible. L'islam, il connaissait pas le petit, tu vois. Il parlait, c'est là, qui c'est que t'as dit, c'est mais dis mon nom. Je suis ton nom qui sait pas. La salate, elle est obligatoire. Ce qu'il a fait pas, c'est un qu'il a fait. Comment l'aime, elle est, mais il va pas l'aimer. Voilà. Dis, certaines personnes qui font beaucoup d'adoration sont peut-être moins aimées que d'autres qui en font moins. C'est possible, ça. Ah, mais les wajibat, c'est pas possible. Et qui en est-il des arcanes, des piliers? Quand on va prendre le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah Azza wa Jalla hadith qu'il ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayhi aw ilayya ma sarattu alayhi, que mon serviteur ne s'approche pas de moi pour une chose plus évoque de moi, qu'est-ce que je vais rendre obligatoire. Wa qala ta'ala yaqul nabiyhi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dites au dealer plutôt, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc comment tu viens, tu délaisses des choses obligatoires, des muharramat et des arcanes même, et tu veux dire que tu es meilleur qu'un qui les fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je parlais du pilier par rapport à la salawat. Tu fais pas la salat, et t'es meilleur que tu fais la salat. Ça c'est pas ça. Et bien sûr, on parle d'un mouwahid. Maintenant, c'est un mounafik, ça c'est autre chose. D'accord ? On va pas rentrer dans le zonome sur les gens. À la base de mon sol-lit, c'est pas une chose qui rend ton sans licite, comme vous le savez, on m'a expliqué. Non. Donc c'est à hadith que ce genre de personnes les méditent pour se remettre en question et dire, on leur dit, la modération c'est l'islam. C'est la religion de la modération. Et le rouleau est trouvé chez qui? Chez les Yahoud, les Juifs. Et le tamir, le laxisme, on est trouvé chez qui? Chez les Nasara. L'islam, comme a dit Allah, wa ja'alnakum ummatan wa wasata. On a fait de vous une communauté juste milieu. C'est l'islam. Maintenant, en islam, t'as des gens qui exagèrent. En islam, t'as des gens qui en font pas assez. Mais la base de l'islam, c'est la modération. Voilà. Et la religion, elle est facile. Et celui qui représente plus l'islam de son vrai jour authentique, c'est la Dawa Salafia. Ne cherche pas à aller voir ailleurs. Tu vas peut-être trouver un autre qui aura des choses qu'un salafi n'aura pas qui seront meilleures, ou tu vas peut-être trouver une chose sur un salafi qui seront moins bonnes qu'un autre, mais à la base, cette salafi en elle-même, cette da'wa, cet appel, ce prêche, cette aqidah, ce menhaj, c'est lui le juste le meilleur. Tu pourras pas faire mieux que ça. Et pas moins que lui. Car le minimum, il rentre dans la salafi. Et le maximum, il rentre dedans également. Les deux rentrent dedans. Mais en dessous, tu tombes dans le haram. Et au-dessus, tu tombes dans le rouleau. Et le rouleau amenait même à faire du chef. Et le rouleau fait son aléchim, c'était le os dans le chef. Exagéré chez les gens, dans les loges, et réel dans les gens. Attawakor Abanou, Banou Adam, fi ibalati. Donc la modération, le mot c'est modéré, c'est salafi. Et si tu vois qu'il en fait trop, ben c'est qu'il en fait pas assez. D'accord. Et maintenant, il se peut en effet, il faut voir salafi qui en passe trop. Après, c'est lui. Mais il ne faut pas faire dire, eux, ces gens-là, eux, n'en dit lui. Lui, il en fait trop, on est d'accord avec toi, et nous-mêmes, on le conseille qu'il en fasse moins. D'accord. Et lui, là, salafi, là, c'est vraiment fait pas assez. On va le conseiller qu'il en fasse un peu plus. Mais c'est lui. Malada en elle-même, salafi, c'est l'islam, authentique. L'islam ou sunnah ou sunnah ou l'islam, comme a parlé l'imam al-Bahari. Ça va tous ensemble. Donc le minimum à faire, c'est awwalan, tawhid, taman, les arkan, les wajibat, et délaisser ce qui est haram. C'est le minimum. Maintenant, apprends c'est quoi les wajibat pour les faire. Et apprends c'est quoi le muharrama pour les délaisser. Et après, tu pourras dire, je suis modéré. Ah. Taïf. Founa qala fi hadith, al-thalis wa al-ishrin. من خذ الحديث عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Donc selon ce sahabi nommé ici comme étant Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, dont en réalité c'est le prénom Adahu. Hein? Ah non, que le prénom en réalité n'a pas été affirmé, c'est un wahm de l'imam al-Nawawi. En fait, c'est Abu Malik al-Ash'ari. أما الحارث ما يثبت عنه ذلك. Quand tu vas dans le, tu retournes dans le meuble de l'imam musulman, il n'y a pas Al-Harith, le prénom. Il a dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la purification, c'est la moitié de la foi. Que l'hamdulillah, le fait de dire louange à Allah, ça remplit la balance. Que le fait de dire subhanallah, le fait de glorifier Allah azza wa jal, et glorifier, c'est un mot, je vais t'expliquer, le tasbih. Et alhamdoulilah, les deux remplissent ou remplissent ce qui est entre le ciel et la terre. Que la salat est une lumière. Que la sadaqa, l'aumône, est un argument. Que le sabre, l'endurance, la patience sont une lueur. Et le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Et que chaque personne, les gens tous les matins s'en vont pour, il y a un an, on va dire, vendre leur âme, ou dans le bien ou dans le mal. C'est-à-dire où ils la vendent, c'est-à-dire faire un commerce avec leur âme dans le bien en la vendant sur fi sabilillah. Donc parmi eux, tu as ceux qui, en réalité, vendent leur âme et la libèrent en faisant le bien, et il y a ceux qui vendent leur âme et la détruisent et tombent dans la perdition apportée par Moussoul. Donc ce hadith, yaqul at-tuhur shatru al-iman, que la purification c'est la moitié de la foi. Ce tuhur, cette partie du hadith peut être comprise de deux façons. A tuhur, ça peut être awalan tuhur, tatahur al-ma'nawi, celui qui est abstrait. Dans le fait que tu te purifies par ta foi, par le tuhid et par l'istiqama. Tu te purifies des péchés. Tu te purifies du shirk. Tu te purifies des bid'a. Même, tu te purifies des ma'asi. Rien de zalika. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس que le croyant n'est jamais impur, donc sa foi le purifie, comme قال تعالى Inna Allah yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Que Allah il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Purifient par l'istiqama, par l'iman, et qui se purifient, purification qui elle, la concrète, le fait de se débarrasser des choses impures pour faire la salat et les zalika. Ça c'est le deuxième wajh du hadith quand il dit le tawhur sur l'iman, la purification c'est-à-dire ce qui est wudu. En gros, c'est le fait de se purifier des najasat. C'est la moitié de la foi. Et tuhur, ça amène la propreté, bien évidemment. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Et pour preuve que ce tuhur est la moitié de la foi, la salat. Cette purification parmi ces shurut. Sans tuhur, sans purification, la salat, c'est quoi son hukm? Fatila. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Que Allah n'accepte la salat d'autant que vous, si jamais il est en état d'impureté, tant qu'il n'a pas fait, c'est son wudu. Donc c'est considéré comme une moitié de la salat, que tu sois en état de tahara. Sinon ta salat ne sera pas valable. Quoi que tu fasses par la suite. ثم قال والحمد لله تملأ الميزان. Le hamd, le fait de dire, on traduit le hamd par la longe en français. Le hamd, à la base, comme les ulama l'ont défini, c'est dhikr, mahasin al-mahmoud, ma'a mahabbati wa ta'zimi. C'est le fait de citer les bienfaits de celui que tu loues en l'aimant et en le glorifiant. En l'aimant et en le glorifiant. Wa hadha al-hamd yakun bil-qalb bil-lisan. D'aller dans le cœur et pas la langue. Et le hamd, il est pour Allah mutlaqan. Comme on dit, Alhamdulillah, bel premier verset du Coran, ma'ahu, Alhamdulillahi Rabbil Alam. Tu commences par dire cela. Et en plus, c'est non seulement le premier verset du Coran, également le premier verset que tu récites, toute salat, Al-Fatiha. Et c'est le premier verset de la sourate la plus importante du Coran. Alhamdulillah. La longe totale, complète est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelle que soit la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la longe est à Allah. C'est pour cela que lorsque des gens te demandent comment ça va, tu dis Alhamdulillah. Ça pourrait avoir un takdir pour dire, par la grâce d'Allah, je vais bien. La longe est à Allah. Et un jour, ça va moins bien, tu dis Alhamdulillah, ala kulli hal. Parce que est-ce que le fait que tu vas dire je vais pas bien, la longe elle est pas à Allah quand même, elle est à Allah à toute situation. Même tu vas pas bien. Donc tu dis Alhamdulillah ala kulli hal, en situation. Dis en ce moment je vais pas trop bien, mais la longe est à Allah quand même, de toute façon. À différencier avec le shukr, lui, awalan yakun bi par le cœur, il a lieu, il se prononce par la langue, obligatoirement, et à travers les actes. Tu remercies en étant reconnaissant, en obéissant. Donc, avec le shukr, parmi les différences entre le shukr et le hamd, c'est que le shukr, tu n'es pas obligé d'aimer la personne que tu remercies. Quelqu'un t'a rendu un service que tu n'aimes pas, parce que tu n'aimes pas la personne. Un cas à faire. Il t'a fait un bien. Tu lui rends tant que tu peux. Ne serait-ce que par une parole polie. Merci. D'accord ? Mais tu es sincère. Si tu peux l'aider pour une chose qui t'a faite en lui rendant le bien, tu lui rends. Est-ce que ça veut dire que tu l'aimes? Le fait de remercier n'implique pas forcément d'aimer. Le jour où il est là, non. L'amour pour Allah, c'est obligatoire. Mais tu peux penser à quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais tu reconnais qu'il t'a fait un bien. Maintenant, le hamd, il n'a que l'amour, obligatoire. Il n'y a pas de hamd. Parce que tu n'aimes pas. Et le hamd, le mutlaq, le kamil, ou alillah azza wa jalla. Que le hamd, comme on l'a dit, à la kulli hal, toute situation. Maintenant, le shukr, tu ne fais de shukr que pour un bienfait. Un mec arrive un bel air ou chose, tu ne dis pas ashkur. Non, le shukr, al bel air. Al bel air, bel air. L'épreuve, c'est une épreuve. C'est dur. Et l'épreuve, tu ne sais pas comment elle va aboutir sur toi par la suite. Maintenant, si tu veux que tu es sorti de l'épreuve, il y aura fait d'arranger ta kadaf, tashkurullah, ala anna wa faraka bi sabr. Tu le remercies d'avoir rendu fort et d'avoir affronté l'épreuve. Là, tu le remercies. Maintenant, tu remercies Allah qui t'a éprouvé. Masalam. Là. L'épreuve, Ushtanab. Aslan. Mais après, c'est là, tu as voulu un bien, t'es pauvre. D'accord. Mais nous, on fait en sorte d'éviter les épreuves. Mais si l'épreuve elle, elle arrive et qu'elle te lève en danger ou quoi, tu peux être content, Bilal. Tu peux être content. Il disait que les salafs font mieux quand ils tombaient malades ou quoi, il avait une épreuve, il était content. Car il se dit que c'est une marque d'amour d'Allah et que ça l'enlève des péchés. Ça l'enlève des péchés. Donc la différence qu'il y a entre le hamd et le shukr. Donc le hamd, min rahmatihi, il remplit le mizan. Mizan sur lequel seront pesés les actes et même le abd lui-même. D'accord ? Mizan yom al-qiyam, qui va, c'est une vraie balance avec deux plateaux. Hakiki. Et ben le hamd il remplit le mizan. Après il dit wa subhanallah wa alhamdulillah tamla'ain wa tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Le fait de dire subhanallah. Et bien sûr quand tu dis cela c'est le fait de prononcer avec istighdar, c'est-à-dire tu sais ce que tu dis, tu réalises ce que tu dis. C'est pas juste ta langue elle bouge et ton esprit est ailleurs. C'est ce que tu dis là, tu le ressens. Et tu comprends ce que tu dis. Le tasbih c'est le tanzih, c'est le fait de purifier Allah de tout défaut de tout manque. Quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire qu'en fait, tu reconnais que Allah a les attributs les plus parfaits, les plus beaux, et qu'il n'a aucun défaut, aucun manque, aucune faiblesse. Allah wa tasbih. Tanzih. Tu purifies de tout défaut, de tout manque. Donc, le fait de dire subhanallah, et dire alhamdulillah, ça remplit ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Ça remplit ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Pour dire que ce sont des choses qui paraissent minimes et qui ont un grand âge derrière. Allah fit fort de la dhikr. Les afkars que l'on fait, ça a un âge azim. Et dans un hadith que Shiri cite, justement, pour montrer justement la l'immensité des cieux et de la terre, par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Hel tadrouna, kem bina samay wal ard ?» Savez-vous qu'il y a, combien y a-t-il entre le ciel, entre la terre et le ciel, c'est-à-dire c'est de la dunya, c'est sûr, il y en a sept, comme vous le savez. « Qulna, Allah wa rasuluhu a'lam » Que Allah et son messager sont plus savants. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل السماء إلى السماء مسيرة 500 سنة وكثف كل السماء مسيرة 500 سنة. Donc il dit que entre la terre et le ciel il y a une distance de 500 ans de marche, ou plutôt il dit pas marche, il dit une distance de 500 ans. Maintenant 500 ans en comment, à pied, en cheval, ou avec les moyens, comment la commune, je ne sais pas. Mais même 500 ans à pied, c'est loin. C'est loin. Donc, le tasbih et le tahmid, ça remplit tout ça. Ça remplit tout ça. Après, il dit, as-salat nour. As-salat, quand même, est une lumière. وَهُنَا يَشْمَلْ جَمِيَ الصَّلَوَاتِ Il a dit salat, c'est jil salat, le genre de la salat, qu'elle soit obligatoire, qu'elle soit nafila. C'est une lumière. D'accord, c'est une lumière. Et la salat, comme on dit, il y a salat tana'a anil fashay wal munkar. وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ Que la salat, elle t'empêche de faire des choses blâmables et de faire des choses, des turpitudes. Maintenant, pour que ce verset se réalise, c'est pas juste tu viens, tu bouges ta bouche, tu bouges tes lèvres, tu bouges tes bras, tu bouges ton dos, tu bouges toi, tes membres, tu fais les harakat. Non. Tu fais le salat comme il faut, selon la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fais la salat comme vous avez vu faire la salat. Là, tu la fais bien. Avec khushu', avec istighdar, avec ta'ammul, tu ressens la chose que tu fais. Tu as un appel pour un salat, mais... Et après, il dit, je ne comprends pas pourquoi il faut que tu fais salat, mais pourtant, il tombe dans le farcha, en tout cas. On dit, comment cela se fait? On dit, c'est peut-être parce que la salat, elle est mal faite. La salat, déjà, elle a des horaires. Il y a salat, et qu'un at, elle a le mouïna qui t'a ben m'orkouta. La salat a été prescrite aux musulmans à des moments précis. Pourtant, ils font salat, mais ils ne les font peut-être pas à l'heure. Peut-être qu'ils font salat, ils ne font pas à jama'a, les hommes, la salat. Ils font salat, peut-être qu'ils ne font pas les sunnan qui vont avec. Ils la font trop vite. Ils ne respectent pas les wajibat. Plein de choses qui sont à voir. La salat, tu la fais bien. Pour en voir les fruits. Après, il dit, wa sadaqa burhanun. La sadaqa, elle a un burhan. La sadaqa, c'est un mot qui est large, comme d'autres hadiths vont venir. Le sens voulu, peut-être qu'il veut dire par là l'aumône. le fait de donner une somme d'argent particulière à des gens dans le besoin de façon surrogatoire de toi-même. Bien que la sadaqa, des fois, elle est cloque à la zakat. Et pour la sadaqa, ça peut être la zakat. La sadaqa, ça peut être dans des hadiths à venir, qu'elle est mettée à une bonne parole. Ou l'amr du ma'louf ou l'nahi en mouka, c'est la sadaqa. Comme quand le Nabi Sallam, كل خطوة تخطو للصلاة ou تمشي للصلاة, sadaqa. Que tu enlèves un obstacle du chemin, sadaqa. La sadaqa, c'est un mot qui est large, qui englobe plein de choses. C'est pas seulement donner de l'argent. Et souvent, c'est ça qui est compris. Cette sadaqa-là, elle sera pour toi un argument yom al-qiyama. En ta faveur. Car l'argent est une chose que les gens aiment. Ils sont accrochés. Et toi, tu donnes ce que tu aimes aux autres. Comme dans le Ta'ala, لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ شَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ بِيَعْلِينَ. Vous ne saurez atteindre la piété tant que vous ne donnerez pas de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, Allah est le seul. Allah est le seul. Donc tu seras obligé de faire un effort sur toi et de donner ce que tu aimes. Ou à Kaza. Ama le fait de ne pas dépenser, là c'est parmi les faits de Munafirin. Ou alors tout le salat, il est où ça là? Ou alors une fikuna, il est où qui arrive? Tu n'es pas à faire la salat pour qu'il soit paresseux. Ça revient que c'est pas une lumière pour eux. Ils ne dépensent pas sans que ne soient dégoûtés. Ils n'ont pas envie de dépenser. Là, c'est qui le Munafirin? Ou alors quelqu'un qui a du bourre en lui, de l'avarice, ou quelqu'un qui de la paresse. Ça arrive chez les musulmans. Mais celui qui a jmal, amrain, et qu'il n'aime pas ça, et que, en sens où, il y a un salat en étant paresseux, qui voit salat en étant malade, c'est lui, mon affaire. Ah, mais des fois, ça arrive. T'as un moment de cassel, de paresse, ou t'as un moment d'avarice, ça arrive. Au fond de toi, tu sais que tu dis, au fond de toi, c'est pas bien ce que je ressens. Là, il parle des gens qui font cela, et, agressent ce qu'ils font, en eux-mêmes. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, rien. Peut-être même, il va donner, après, il va regretter. Là, pourquoi j'ai donné? أعوذ بالله فقال والصبر ضياء la patience endurance c'est une lueur شوفوا ونفر بنا نور وضياء en français les deux se disent pareil et il y a une petite différence entre les deux un نور c'est une lumière un ضياء c'est une lumière qui peut dégager de la chaleur, comme pour le shams. Même comme pour le shams. La lumière de la lune n'est pas celle du soleil. La lumière, même de la lune, n'est pas celle du soleil. La lune, elle a une lueur déjà qui est plus faible, et en plus, elle ne dégage aucune chaleur. Comme encore le Ta'ala, moi j'ai la shams d'Yan, ou le Qamara Noura, qu'il a fait du soleil, une lueur. C'est-à-dire, elle est claire, elle est forte, et elle dégage de la chaleur, alors que la lune, c'est une lumière qui éclaire moins, et qui ne dégage aucune chaleur. Mais en français, c'est les mêmes mots. On va dire lumière, lueur, bref. Donc le sabr, c'est l'endurance à patience. Yarni, comme un rurifa, ou un habsen nefs, an, à la ta'atillah, plutôt. Le fait de maintenir son âme, sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ça peut être également habs al-nafs an ma'siyatillah. Le fait de retenir son nafs, de ne désobéir à Allah, car ton nafs, il aime le mal. Il est attiré par cela. Quand tu le retiens, tu l'empêches de faire cela. Oui, kazalik, habs al-nafs ala aqda illah. Le fait, ou aqda illah kazalik. Le fait que tu retiens ton âme, tu la maintiens, parce que Allah t'a décrété comme épreuve. T'arrives une chose, tu patientes, tu endures. Tu ne te plains pas. Tu ne cries pas, tu ne te révoltes pas, tu ne contestes pas. Belle tartasi boutasbir. Amen. Wa kama kala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna sabr, fi ma'adha, kama dha kana l'yom, fi salati l'oula, fi quoi, c'est au premier choc. C'est pas que tu fais une crise après ça, tu lâches patience. Tu n'as pas patienté, on va dire. Dès que c'est arrivé la nouvelle de la chose, tu as explosé. Tu n'as pas patienté. Tu as attrapé après, mais la patience, c'est dès le début. Qu'à Hadith Anas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme qui pleure au coin d'une tombe, et lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah et patiente. Elle a dit, il est ka'anni, fait nakaman, l'âme tout sabi musibati. Elle lui a dit, et l'auteur de mort, tu n'as pas été atteint par mon épreuve. Mais c'est pas que c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, on lui a dit, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, il est parti, il veut le voir. S'excuser, je sais pas que c'était toi. Il lui a dit, inna ma sabr, Inda sabunatil ula. La patience, c'est que la première, premier choc. C'est le premier choc. Dès que le sujet arrive, c'est là que tu passes. Ouah, kaza. Et les hadiths de sabr, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et sans sabr, t'arrives à rien. Sabr dans la vie, tu n'arrives à rien du tout. Pourquoi les koufars le suicide? Parce que c'est pas, ils passent pas. Ils n'ont pas de tabac, ils n'ont pas de patience. Celui qui n'a pas le sabr, il ne tient pas. Hein? قال مكر تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Oh vous qui avez cru, soyez endurants et maintenez les frontières. يعني patientez et صابروا dans le sens où je ne sais pas comment traduire. De se maintenir sur la patience, de continuer de maintenir les frontières et de craindre Allah afin que vous réussissiez. Donc le sabr la bonne mine. Et Romain, il avait dit, nous avons trouvé le meilleur de notre vie dans la patience. Et la patience, elle est liée également à quoi? Au tahmid. Ça veut dire, alhamdulillah. Ça est une chose, alhamdulillah, la kulli hal. Et la patience découle du choukr. Quand tu remercies, tu reconnais envers un bien Allah, tu patientes ce qui t'arrive. Si tu as fait un dhamb, une faute, ça t'oublie d'Allah. Si jamais une chose t'arrive, sans que tu saches c'est quoi le mubashir, la cause que tu aurais fait comme cela, tu fais comme une tawbah amma, et tu patientes ce qui t'arrive. Et combien d'ahadis sont venus pour montrer que celui qui patiente sur l'épreuve, après, il y a une récompense qui est immense. Comme quand il ta'ala, innama yuwaffal sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et ceux qui ont patienté, ils auront leur récompense qui sera décuplée sans compte. Yawm al-qiyamah. Parce qu'ils ont patienté, ce sera là. C'est même pas, on sait même pas combien ça va être, comment ça va être décuplé. Naam. Nasallallahu yusabbirana. Après, dans le hadith, il dit naam. Wal qur'anu hujjatun laka 'alayk. Que le Coran est un argument pour toi contre toi. Ma ma'na haza, ce Coran, que tu l'appliques. Le ilm. Ce ilm, si tu l'as mis, Allah te l'a accordé, t'en a gratifié, et que tu ne l'appliques pas, il sera contre toi. Et celui qui se détourne de l'islam, à qui le message est parvenu, le Coran sera contre lui, mais il faut déjà sur lui. C'est pour ça dans les hadiths qu'on est pour au début, que parmi les premiers qui sont questionnés le Maqiyama, on avait dit le alim. Le alim savant. Il s'interrogeait. Et parmi ceux qui sont châtiés au Maqiyama, c'est le alim, ceux qui ont le Coran, qui dormait, qui ne faisait pas la salat. Kana yanam al-salati. Alors qu'il y a le Coran par cœur. Ada alayhi. Ashad ibn Ghili. Celui qui est la Fatiha. Et qui rentre dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Il fait les wajibas, le minimum à faire. Celui qui a le Coran et qui fait rien, et bien celui qui a juste la Fatiha, il est meilleur que lui. Le Coran, l'autre, ce sera contre lui. Et ça revient encore, je vous disais, par rapport au Salafi. Le Salafi, il a des connaissances que d'autres n'ont pas. Même s'il n'est pas savant. Il a compris la voie. Et il l'enfreint, d'accord, il la transgresse, et bien il risque d'avoir un châtiment plus dur qu'un ammi, un jari. Parce que lui, il a quoi? Elle peut dire, ok, ma t'as allé. C'est encore plus, comme je disais la dernière fois, c'est la vie, il a encore plus peur que n'importe qui. Il dit, je sais, donc moi, j'y suis. Je ne veux pas transgresser. C'est pas possible. Et le marquement, on dit, ah, tu savais, je vais transgresser. Voilà, Azubillah. Donc, le rime, c'est ni'ma. Mais comme on dit, c'est une épée à double tranchant. Elle sera pour toi ou contre toi. Et il y a des gens, malgré le fadl du rime, vaut mieux pas qu'ils aient du haine. Parce qu'ils font des dégâts avec. Beaucoup de dégâts avec. Et t'en as, ils font le haine, pourquoi? Pour Jadel. Pour avoir, voir supérieur aux gens. Je sais, toi tu ne sais pas. Pour avoir le dernier mot, comme on dit. Tu vois? Ada mazloum jiddan. Mazloum jiddan. Après, il dit, wa kullu nas yardou. C'est-à-dire, les gens, le matin, ils partent. Les marouf. Même les musulmans, les koufars. Les hommes en général, comme le shérif dit lui-même, le matin ils partent faire leur vie, chercher leur risque, chercher leur ilm, faire les asbab. Et à ce moment-là, qala fabayyun nafsahu, que là, son âme, il expose. C'est-à-dire, elle va être vendue, il va faire un tijara. Mais ce tijara, il peut être bon ou mauvais. C'est pour ça qu'il dit, famu'atiquha, son âme, il va la libérer, l'affranchir de lui-même par les bonnes actions. Ou il a dit, avou biquha, ou qui va la détruire par les mauvaises. C'est la question de l'homme. Puis il y a des hadiths. Alhamdulillah, voilà.